100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. C'est Skyrock et c'est parti pour cette nocturne juste après Difool avec un gars qui nous vient du 9-1. Monsieur Black Brut est là avec nous. Ouais. Comment va? Très bien, et toi? Eh ben écoute, en pleine forme. En pleine forme. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du 9-1 cette semaine avec le combat hein, de boxe de Carteron que tu as peut-être suivi. Bah, que j'aurais bien voulu suivre. Et que tu aurais bien voulu suivre. Que je n'ai pas pu suivre. Et que tu n'as pas pu suivre. Ouais. Bon, bah écoute, je sais pas si on peut parler de vainqueur par KO ou par Je ne me prononcerai pas là-dessus parce qu'on va dire que je suis pro Carteron après. Ouais. Il vient de chez nous donc. Bah, il vient donc on supporte forcément. Voilà, en plus, Badrari, c'est un peu bizarre ce qu'il a fait, hein, mais bon, tranquille. Bah écoute, on souhaite à Carteron le salut pour son retour en France en tout cas. Ouais. Et là, on va surtout parler musique avec toi. Ouais, donc pour ça, ouais. Avec un projet qui est sorti déjà il y a plusieurs mois. Hein. Ouais, un projet qui est sorti, un album que j'ai sorti en avril, le 21 avril exactement. Impressionnant sans forcer. Que je continue à défendre et en parallèle je bosse sur un deuxième projet qui va arriver incessamment sous peu. Bah la preuve, cette nocturne, ça fait un moment qu'on en parle. Ouais, ça fait la voici. Moment. C'est donc toi qui va prendre le contrôle de la nocturne. Yep. Tu es venu avec une petite équipe. Ouais, une petite équipe encore. J'aurais pu en ramener plus. Mais ah j'ai, ouais été, j'ai été gentil. Ouais, c'est ça, t'as été sympa. Voilà, j'ai été donc, sympa. Petite équipe qu'on va découvrir. Il y aura aussi du live. On va passer une heure ensemble. Black Brut au contrôle. Yep. On rappelle que ton projet s'appelle Impressionnant sans forcer. C'est ça. Qu'on peut le trouver en téléchargement, la légale. On peut aller cliquer partout. Téléchargement légal dans les Fnac. Et tout, partout, partout. Est-ce qu'on va avoir quand même un petit CV express de toi, Black Brut? Bah écoute, Black avant de, Brut, avant de débuter. Rappeur originaire du 91 Corbeil. Ça fait un petit moment que je suis là. Hein. Les gens me connaissent plus ou moins depuis quelques mois, voire quelques années, mais ça fait un moment que je suis là. Issu du collectif ISF, justement. Et j'ai décidé de faire un petit chemin en solo. Donc voilà, j'ai décidé de voler un peu de mes propres ailes et de faire. De sortir un album, etc. Et puis donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Quoi. Et puis c'est vrai que ces derniers temps, t'as aussi vu avec le SMS Remix. Ouais, qui a un nombre de vues incroyable où on retrouve Cozy Gradure aussi. Ouais, c'est un peu le morceau qui m'a exposé, on ouais. va dire. C'est grâce à ce morceau que j'ai été un peu connu du public. Voilà, SMS Remix, j'ai même plus besoin de le présenter, je crois que tout le monde le connaît. Peut-être qu'on le passera d'ailleurs ce soir, ouais, je sais pas si tu as prévu de le passer. Bah écoute, j'avais pas prévu, mais comme tu m'en parles, on va le passer. Bon, sinon, il y a encore d'autres sons à découvrir. Yes. On y va, on attaque Black Brut, c'est parti. Ouais, ok, pas de soucis. Un extrait de ce projet qui s'appelle Impressionnant sans forcer. On débute avec un morceau Zorro. Qui est, d'ailleurs j'ai envoyé le clip en ligne tout à l'heure en fin d'après-midi. Il y a le clip qui est là. Donc écoutez le morceau et puis faites tourner le clip. Allez sur YouTube et faites péter le clip. Envoyez plein de messages 41759 avec le hashtag Skyrock, le hashtag La Nocturne. C'est parti pour La Nocturne, une heure avec Black Brut maintenant. Planète Rap, 100% rap français. Un cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, Bazette qui veut dire Zorro. Being an additive synthesizer. Mais qu'est-ce qui se passe? Pareil que c'est la merde ici. Pareil que les fils de pute Jack. Où sont-ils hein? Ça finira à coup de batte. Je n'ai plus le temps pour les miquer. Y'a plus de place pour les pourparlers. Je pense que ton flow est niqué. Mets-toi en reggae comme Bob Marley. Zorro. Et bien sûr c'est comme ça que l'on m'appelle. J'ai baisé trop de merde. J'ai dû me lancer dans le business de capote et d'Athènes. A chaque fois que c'est le bourson dans le rap game, c'est moi qu'on appelle à la rescousse. Mais je ne comprends plus les codes du rap. Entre MC, ils se sucent et se baissent tous. Pareil que je suis trop vulgaire, mais ça me fait un bien fou de les insulter. Profession MC, trafiquant punchline à la force de frappe de Cassius Clay. Je débarque comme si je jouais un 4-4, je vais le swagger de la gueule au sabot. Ils me veulent en fuite, je comprends pas le concept, ils aiment se faire frapper, c'est sado. Les salauds. Je suis le cavalier masqué, je mes crimes par un Z. La concurrence zéro, allez voir ailleurs si j'y suis, va te faire enculer par un Z. Ils se prennent pour des princes, mais ils viennent pas de Bel Air. T'as 150, je vaux, j'ai un cheval, mais je te mets à l'amende quand j'accélère. Zorro est arrivé, Zorro est arrivé, Zorro est arrivé. Zorro est arrivé, Zorro est arrivé, Zorro est arrivé, Zorro est arrivé, Zorro est arrivé. Je répète, Zorro est arrivé, Belek, Zorro est arrivé. Bokeba, Zorro est arrivé, Belek, Zorro est arrivé. Bokeba, Zorro est arrivé, Belek, Zorro est arrivé.

haine. On vit d'amour et d'eau fraîche, on se plaît dans cette vie de bohème. On se contente de peu, un joint de bœuf suffit à leur bonheur. Attention mon vieux, un crissement de pneus suffit à ton malheur. 2013, rien n'a changé, on cherche toujours les mêmes sous. En bas du bloc, on croise les mêmes mecs sous et les mêmes fous. Va de l'avant, on n'a qu'une vie, y'a pas de Mario ici-bas. Et protège-toi du mal et du fléau qu'on appelle Sida. On donne tout pour les frères et sœurs, on y met du cœur. On fait du mieux possible, on fera jamais l'unanimité. Les avis seront toujours tranchés comme la lame d'un cutter. Je donnerai tout ce que j'ai dans le ventre afin de ne pas regretter. Afin de ne pas regretter. Je donnerai tout ce que j'ai afin de ne pas regretter. Afin de ne pas regretter. Hey, leur en veut pas, ils ont pas été formés à faire la courte échelle. Dès que tu grimpes et qu'il y a un peu de buzz autour de toi, sache que t'es seul. Les quelques frères sur qui je peux compter, big up, cœur sur vous, comme ils disent sur Twitter. Ils me soutiendraient jusqu'à la mort, même si je fitais avec Bieber. La jalousie, la trahison feront toujours partie du jeu. C'est moi qui distribue les cartes, donc ça fait deux des envieux. J'ai mis un front kick dans le rétro, donc je sais pas ce qui se passe derrière. Je viens juste d'échanger mes plaquettes, mais je freinerai pas ma carrière. Les coups de pute nous endurcissent, mais c'est ce qui fait de nous des hommes. Se faire la guerre pour un bout de femme, tu trouves pas que ça fait des ordres? Et aux petits frères, tu peux me dire quel exemple on leur donne? On se tire dessus pour pas grand chose, pour quelques vulgaires sommes. Les peines de prison s'additionnent, et c'est la maman qui souffre. Regarde bien sa bougie, c'est peut-être la dernière qu'elle souffre. Afin de ne pas regretter, je donnerai tout ce que j'ai dans le beat. La foi nous maintient de ces envies soudaines de te jeter dans le vide. On donne tout pour les frères et sœurs, on y met du cœur. On fait du mieux possible, on ne fera jamais l'unanimité. Les avis seront toujours tranchés comme la lame d'un cutter. Je donnerai tout ce que j'ai dans le ventre afin de ne pas regretter. Afin de ne pas regretter. Je donnerai tout ce que j'ai afin de ne pas regretter. Afin de ne pas regretter. Pour les frères et sœurs, on y met du cœur. On fait du mieux possible, on fera jamais l'unanimité. Les avis seront toujours tranchés comme la lame d'un cutter. Je donnerai tout ce que j'ai dans le ventre afin de ne pas regretter. C'est la Nocturne 100% rap français et c'est monsieur Black Brut au contrôle de la Nocturne avec son projet impressionnant sans forcer. Yes. Et un extrait à l'instant, le morceau afin de ne pas regretter. C'est ça. Donc voilà, il y a un peu de tout, évidemment, dans l'album. Il y a de l'ego trip, mais il y a des morceaux un peu plus conscients comme celui-ci. Ouais, ouais, il y a un peu de tout, hein. Je le répète assez souvent, j'aime pas qu'on me mette dans des cases. Donc voilà, je reçois les prods et je les prends comme j'ai envie de les prendre, comme elles m'inspirent. Et il y a des prods sur lesquels j'ai envie de taper des ego trips, puis il y en a d'autres sur lesquels j'ai envie de faire des thèmes. Et on écoutait aussi le morceau auparavant, le rap C'est Franc, qui conclut d'ailleurs l'album. Ouais, le morceau rap d'ailleurs plus tendance rock d'ailleurs, avec les grattes à la fin. Ouais, alors le rap C'est Franc, c'est un morceau qui rend un peu hommage à la scène old school du rap français, on va dire les anciens. C'est quoi, c'est eux qui t'ont bercé, Moi je suis un peu entre les deux générations si tu veux. Donc moi j'ai grandi avec les anciens et j'écoute un peu ce qui se fait aujourd'hui. Et je trouve qu'on a tendance aujourd'hui à oublier un peu les anciens et enfin s'ils étaient pas là, je pense pas qu'on serait là aujourd'hui. On s'est inspiré d'eux, donc voilà, c'était un petit clin d'œil. D'ailleurs ce morceau va être clippé bientôt. Donc il y a une grosse dédicace au passage à DOC des deux balles. Des deux balles, ouais. Qui est pas très loin là, qui je l'ai vu en bas tout à l'heure. Donc une grosse dédicace à lui et grosse dédicace à mon gars Toyer aussi. Qui est, du 9-1 aussi. Du 9-1, qui est un gars qui fait beaucoup de choses pour moi. Donc une grosse dédicace à lui. Justement toi, c'était quoi la toute première claque rapologique, le souvenir rap gamin? Bah écoute, on va dire claque, j'en ai pris pas mal, j'en ai pris beaucoup des claques. Au moins le premier souvenir rap, le truc qui t'a peut-être dit ah, qu'est-ce que j'aimerais aussi prendre le micro. Bah on va dire l'album justement des deux balles de nez, trois fois plus efficace. Trois fois plus efficace. C'est l'un des albums que j'ai le plus écouté dans ma vie. Je l'ai tellement saigné que. Et ouais, c'est un peu les jumeaux qui m'ont donné envie de prendre le micro et de voilà. Après il y a plein de groupes, hein. J'ai écouté La Clica, j'ai écouté. Je les ai cités. Mais si je devais sortir un ou deux groupes, voilà, c'est Lunatic, les deux balles, on va dire le collectif Ménage à trois, et puis La Clica et les X-Men qui m'ont beaucoup bercé aussi. C'est Black Brut au contrôle de la Nocturne. Je rappelle que le projet, on peut le cliquer dès maintenant. On peut l'avoir tout de suite. Ouais, partout. À moins de 7€. Mm-hmm. Sur iTunes, Fnac, tous les bons disquaires. Vous pouvez vraiment vous le pécho partout. Bon, on repart sur quelle session, Black Brut, maintenant? Alors, je vais demander à tout le monde, et à l'antenne, et dans les studios, d'être attentif parce que j'envoie une exclue. J'envoie une exclue de mon prochain projet qui va arriver bientôt. J'ai pas encore de date pour l'instant. Le morceau s'appelle Valérie d'Amigos. Alors le titre parle de lui-même. Ouais. Il est un peu bizarre le titre, mais faites attention, écoutez, c'est un morceau concept. Et ça va être la frappe des prochaines semaines. Valérie d'Amigos. Et bon, l'écoute maintenant. Donc exclu total dans la Nocturne. Radio, là, de quoi être à l'aise. Arrête de nous envier, gros, t'es cramé. De beaux crânes qui brillent bien rasés. Ouais, rejoins les rangs au lieu de rager. Les insectes, on sait comment les écraser. Rien qui jacque sur ma gueule, mais de Paris à Marseille, c'est brut qu'on écoute pendant le trajet. Tu veux qu'on se capte? Pas besoin de trajet. C'est n'importe où, pas que tu peux me croiser. Prends mon number, un de ces quatre, on se fait une virée. Les potames, je suis blasé. Les poids qui perdent dans le coin qui aiment baser. Toujours deux, trois zoulous qui voudront test. On ne traîne personne. Premier étage, voire de droite, qui leur montait. Attends, là, c'est bizarre, là, j'ai l'impression que tu rappes comme Niro, là, aujourd'hui. Comment ça, comme Niro? Je te jure, là, un coup tu rappes comme Booba, un coup comme Caris, un coup comme Niro, faut un peu de personnalité dans ton truc. Je sais pas, moi, tout le monde fait comme ça, non? Ah non, je te jure, non. Vas-y, je vais essayer de refaire tout ça. On a le même flow, on a la même déco, faut que j'appelle Valérie. Qu'elle me propose les différentes couleurs qu'elle a dans sa galerie. On a tous le même flow, on a le flow des Migos. Faut que je change ma déco, j'appelle Valérie d'Amigos. Valérie d'Amigos, Valérie d'Amigos, Valérie d'Amigos, Valérie d'Amigos, Valérie d'Amigos, Valérie d'Amigos, Valérie d'Amigos, Valérie d'Amigos. J'appelle Valérie d'Amigos. ISF, ne prends pas ce flow où toute ta France dira que tu rappes comme Caris. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que ça me fait du buzz quand tu racontes ma vie. Ce que le peuple pense, je te l'ai déjà dit, je m'en tamponne le coquillard. Le public est rempli d'abrutis, tu ne vois pas tous les cons qu'il y a. Je m'essaie à suivre la tendance. Pour l'instant, je suis content, je suis dans la cadence. À force d'écouter vos rappeurs préférés, vous rappez comme eux. Je veux bien que l'on s'inspire un tout petit peu, mais faut pas déconner. Essayons d'innover. Y'en a pas pour tout le monde des nouveaux. Rapper n'est pas donné à tout le monde, lance-toi dans l'agriculture comme José Bové. J'avoue que c'est plaisant, on se croirait vraiment à Chicago. Il te reste plus qu'à inventer des signes avec tes doigts longs comme des Mikado. On a le même flow, on a la même déco, faut que j'appelle Valérie. Qu'elle me propose les différentes couleurs qu'elle a dans sa galerie. On a tous le même flow, on a le flow des Migos. Faut que je change ma déco, j'appelle Valérie d'Amigos. Valérie d'Amigos, Valérie d'Amigos, Valérie d'Amigos, Valérie d'Amigos, Valérie d'Amigos, Valérie d'Amigos, Valérie d'Amigos, j'appelle Valérie d'Amigos. Bah ouais les mecs, c'est quoi ce bordel? Tout le monde rappe de la même façon. Tout le monde fait du sous Niro, du sous Caris, du sous Booba, du sous ce que vous voulez. Mais c'est du sous. Merde. Je veux bien que vous les imitiez, je veux bien poursuivre la tendance, etc. Mais faites ça bien, moi. Faites ça bien. Ne faites pas comme des bourrins. Les mêmes flows, c'est fait n'importe comment. N'importe quoi. Et attention, ceci n'est pas un clash. Je vous vois venir là, sur les réseaux sociaux, les commentaires. Il a clashé un tel. Bande d'abrutis, va. Appelez Valérie d'Amigos. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La Nocturne. Passe mon temps à chercher deux choses, l'inspire et les bifetons. J'ai pour vocation d'être chef, mais je te parle pas d'être cuistot. J'suis tombé dans le rap par hasard, j'avais à peine 13 piges. Quelques années plus tard, on me qualifie d'MC de prestige. Les premières rimes sont aussi marrantes qu'une bande de Jamel. Mais nous, quand on parlait de CC, c'était tout qu'au Chanel.

Et là, on est là pour Black Brut, Brutinho aujourd'hui, yes. Tu vois. Merci ISF dans le building, bien bon. Mais tiens, tout à l'heure, Black Brut, on parlait des gens qui t'ont marqué, peut-être de l'ancienne génération. Est-ce que là, parmi les nouveaux, avec qui tu aimerais bien poser Question croustillante. Bah écoute. Mais Fred, t'aimes trop les polémiques, arrête ça, gros. Bah, c'est pas une polémique. T'as vu, Fred, la mentalité française, elle est tellement étrange. Ouais. Qu'aujourd'hui, de sortir des noms de rappeurs français, c'est devenu compliqué. On dira, ah, oui, c'est un lèche-cul, non. Non, il y a beaucoup de rappeurs. Bah, on peut dire déjà sur ton album, il y a Niro, Mac Taylor aussi, qui sont présents. Ouais, dédicace. McGregor et Niro. L'autre moitié de tandem. Après, de la nouvelle génération, ouais, il y a pas mal de gens que j'aime bien. Il y a beaucoup de gens que j'aime bien, dont Espy. Bon, enfin, Espy, c'est pas la nouvelle génération. Il est frais. Ouais, il est frais. Je trouve de plus en plus frais, d'ailleurs. Il est frais, il est beau, il est déchirant. Il a des belles lunettes, il est sort d'où. Je sais pas, t'as vu. On donne pas les plans. Voilà, non, après, voilà, il y a Zekwe Ramos. Oui, Zekwe Ramos qui est quelqu'un d'important pour toi. Qui est quelqu'un de très important pour moi parce que c'est au-delà de la musique déjà, avant tout. Il est sur mon label aussi. On est signé sur mon label. Et c'est lui qui a produit la moitié de mon album. Et d'ailleurs, le projet qui arrive aussi, il a pas mal de productions de lui. Il y a un morceau aussi, J'avais un frère. J'avais un frère. On a un autre morceau qui arrive, Fred, et je crois qu'il va éclipser J'avais un frère. Voilà, j'en dis pas plus. Et grosse dédicace à lui, qui devait être là, il a pas pu venir. Voilà, raison perso. Et grosse dédicace à mon gars Zekwe. Donc voilà, un peu pour l'entourage, les gens qui sont autour de toi. Voilà. Donc après, ouais, comme je t'ai dit, il y a beaucoup, j'aime beaucoup. Il y a des rappeurs que j'aime bien, tu vois. Bah, Aïs est là, Espy est là, il y a Youssoufa que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Moi j'aime bien Esprit Noir. Esprit Noir. Après je pourrais t'en citer plein, mais je t'ai dit, c'est une mentalité tellement débile ici que je vais sortir des noms. Bon, et après tu m'as oublié. Donc on va citer ceux qui sont là et ceux que j'apprécie vraiment. Et le reste viendra par la suite. Voilà, exactement. On repart sur quoi Tant qu'à faire, on va repartir sur un morceau d'Espy. Ouais. Tout à l'heure, je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais on va envoyer le morceau. Il fait que des surprises aujourd'hui. Il m'invite, il me laisse parler. Voilà. Il passe un morceau. Alors dites-moi vite, bien. Mais on va envoyer Robin, tant qu'à faire. Ah ouais, Robin. Moi, c'est le morceau qui me parle le plus en ce moment d'Espy. Ok. Voilà, donc il va nous saucer un peu avant le freestyle et tout, donc on va envoyer Robin. Ariane Robin. On y va? Yes. Normal. Boumaï et musique. Bien bon. Faux chèque à la caisse des balles. T'auras ta part si tu restes calme. On rentre dans le club, elles agressent nos tables. Couche Red Cup, toi tu restes au bar. On a vendu des stups pour sortir des CD. Maintenant on passe à la télé. Yébi Savango, Toza et Bélé. On va les mêler. Plus de patates, les rappeurs se mettent des balles dans le crâne à la comète. Je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane Robin. On s'invite, fais péter la tease. Mes négros ne savent pas danser. Arrêtez de faire les blindés. On sait qui a fait le million dans le rap français. On les effraie, on les refait. Plus de respect. Sors mon skeud à la nique sa mère. Ils sortent le leur, plus d'airplay. Criminel Eyes, toujours frais. Pas de cortège, concert au bled. Quatre cortèges, autour du cou. J'ai mes chaînes et ma ceinture en quatre bordels. Robin, Ariane, je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane, Robin, je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane Robin, on n'a pas la même life, on peut pas parler de la même chose. On n'a pas la même cam, on peut pas viser les mêmes doses. Négo, gère bien ta meuf, devant moi elle frappe à la pudique. Ils sont prêts à tout pour un buzz, quitte à s'afficher face au public. La paire est neuve, 2-3 liasses dans le cartonnet. Ils parlent que trap toute la journée, mais font les hustlers prêts à se bastonner. J'en rigole, j'ai pas changé, toujours anti-cop. J'ai pas eu de papa, moi j'ai pas d'idole. Après mon passage, y'a plus d'anti-pop. Tu m'as vu gester avec la Beaumaille Team. Chico en argent, Red Cop sur le ring. Nigga, il inks à la prod. 2014, c'est l'année du King. Nigga, jester and gentleman. On m'a dit, doucement, tu vas faire mal au man. J'ai la vue rouge sang, fallait pas parler mal. Mais coupe-lui les sangs, je suis un pur animal. J'suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Du game, du game. Yes. Ice, give me S, ice, give me S, piss. J'suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Robin, Arien, je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Arien, Robin, je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Arien, Robin, Rap 100% Explicit Lyrics. J'avance, tu pions, tu penses pouvoir nous mettre hors tension. Nous on fait, nous baille, c'est la haine, c'est l'aide, soutien, ma cœur. Si tu viens d'un tailleur, fais pas le brailleur, ta taille. Avant qu'on sorte le fusil mitra-tra-trailleur, t'amuses pas à nous tra-tra-trahir. Ouvre ta porte, tu nous verras jaillir. Pour l'honneur, je suis prêt à me s'installer. Pour que dalle, tu peux te faire pas bannir. Ces PD savent qu'ils sont les best. Ils nous détestent, mais viennent pas test. Mec de test, à la recherche de la fraîche. C'était en hesse, pour ton garde la pêche. Y'a personne qui nous tient en laisse. En zone prioritaire, quand on squatte la presse. Dans le peurage, j'arrive à fond la caisse. Que la concu, elle me sait peu de détresse. 4-4-100, full bordel. Qualitatif, productif comme Ordel. Tous les jours, je me lève et je me demande que serait le 91 corbeille. T'es pas à l'abri de finir avec un cocard. Si t'arrêtes pas de faire le fou, moi je mets pas de whisky dans mon coca. Si tu me cherches, tu me trouves dans mon zoo. Ouais, si tu me cherches, tu me trouves dans mon zoo. T'es pas genre, tu sais, on vient d'où. Espèce de chien, arrête d'aboyer. Si quand il faut mordre, d'un coup tu viens d'où. Si le savoir est une arme, ça va être compliqué de nous désarmer. J'ai plus d'une fléchette à mon arc. Tu peux demander au général des armées. J'ai vu ton gangster. Les qui jouent les grands appellent leurs grands frères. Si la haine te tient, enfile les grands frères. Paye-nous cash, paye-nous pas au lance-pierre. Quand paye ça rap, on t'a pas t'en faire. J'fous le fond studio comme un concert. Si tu souhaites ma chute, moi j'te souhaite un cancer. J'suis pas fumeur, j'suis pas buraliste. Pourtant j'sais faire que des tabacs. Petite merde, tu finiras quand même sous mes semelles. Même si tu laisses pousser ta barbe. T'as niqué ton plan AA. Pour de l'oseille, tu veux pas t'attromper. Punition hantée par le dernier classe A. Pour l'obtenir, il te restera le plan B. Même à mon adresse, pour rien on t'agresse. Dire la vérité, c'est dangereux, demande à Despo. J'pourrais dire que j'ai niqué la Lisbon. Que le jour où j'me taperai, Julie Lesco. Raboule mes thunes, ne me fais pas perdre mon temps. Ou ton crâne va fracasser le montant. Quand j'règle mes dettes au trésor public. Igo, j'fais la gueule, mais je les paye content. Moi j'nierai toute la vérité, c'est les kisses d'aime prennent les deux mains dans le sac. T'as tellement tourné qu'on pourrait coffrer un litron ou deux dans tâche. On arrive à toute balle pour inonder les zones. Ça va être un vrai dégât des eaux. Ils rêvent d'être comme nous, ils vendraient leur mère pour faire partie des gars du zoo. J'avance, tu pions. Tu penses pouvoir nous mettre hors tension. C'est la nocturne 100% en français avec Black Brut au contrôle. Black Brut, Qu'est-ce qu'on a écouté à l'instant? Bien d'écouter un morceau d'Ilinas, dont je t'ai parlé tout à l'heure, avec qui j'ai fait le morceau À quoi ça tire sur l'album. Ouais, bah, attends, il va venir parler de son morceau tout seul, il est là. Ah là, il s'installe au micro. Nocturne Black Brut, on rappelle que ton album est dans les bacs. Toujours depuis le 21 avril, Ilinas. Ouais, Ilinas, en feat avec Ouzeirou. Ouais. Un mec de ma cité. Tu peux le retrouver sur Facebook, YouTube, t'as juste à taper Ouzeirou. Moi je fais de la musique, ça fait 10 ans pareil. On est là, hein, on est venu soutenir le frère Black Brut. Yes. On a fait un featuring ensemble, le morceau il claque. Bah on l'a passé ouais tout à l'heure. Voilà, là on est venu donner de la force un peu. Linas et Corbeil les Tarterets, ouais. qui est venu aussi avec des gars lui aujourd'hui. Une grosse dédicace aux Tarterets, une grosse dédicace aux petits du secteur Chantemer là, qui sont là aujourd'hui. Ouais. Grosse dédicace à la Nacelle, Mon Conseil, l'Ermitage, tous les quartiers de Corbeil. Une grande ville, c'est une grande ville et ouais. Malheureusement. Une ville avec pas mal de conflits, etc. C'est dommage parce qu'on a une grande ville, on pourrait faire beaucoup de choses. Mais voilà, il met quand même une grosse dédicace à notre ville, Corbeil. La Nocturne avec Black Brut. Fred, grosse dédicace aussi à Bretigny 91-220 parce que j'ai des gars aussi de Bretigny aussi qui sont là. Il faut pas les oublier. Ah, Dean Ren, Monsieur X, Balou, tous les gars. Mon gars de Cheikh l'Empereur qui est là, à ma gauche. Yes, Corbeil. Moi, j'ai une grosse dédicace aussi à faire à Spike La Pioche qui a pas pu venir ce soir. Ouais, dédicace à mon acolyte. Voilà. La Nocturne sonore. Dans un instant, tu nous fais un live. Ouais, je vais faire un gros live. C'est pas un petit gros live. Un gros live, pareil, d'un morceau, c'est une exclu. Un morceau qui est sur mon prochain projet. Le morceau s'appelle La danse de la rafale. Donc on va danser, on va rafaler en même temps. Dans un instant, loupez pas le feu d'artifice. Voilà. Sur Skyrock. On repart sur le SMS Remix. Ouais, on va partir sur SMS Remix, que je crois que j'ai même plus besoin de présenter. Hein. Donc il y a Cozy, il y a Gradure. Gradure. Dédicace à eux, ils sont venus me donner de la force sur ce remix. Et puis allez, il y a le clip aussi hein, qui voilà. Fait un véritable carton, c'est plus d'un million de vues, je crois. Ouais, on est à 2 millions des poussières. Ouais, en même pas. En 4, c'est le premier million qui est difficile, après on les compte plus. Ouais, mais j'aurais préféré que ce soit des millions d'euros, tu vois. Mais on va faire avec. Hein. Bah écoute, c'est déjà des millions de vues en te souhaitant pour la suite. Ouais, voilà. Allez, c'est parti, la Nocturne. SMS Remix. Mais tu finiras sur ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, je lui allume sa mère sans sommation. Un, deux, trois soleils. Ils ont voulu clasher, mais ils finiront sur ma semelle. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sur ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, je lui allume sa mère sans sommation. Un, deux, trois soleils. Dans les gardes-côtes, je suis un pirate, Jack. Comme chaque matin, manger paro. Amener CC, j'ai des bons tarots. En cellule refrain, je deviens paro. Brut, on a la technique pour les faire bouger. Les feux sont ouverts, il nous reste plus qu'à pousser. La rue connaît Niama, moi j'ai rien à me reprocher. À 92 km de la projet. Aussi, gradure, on vient filmer vos projets. Haute Seine, Essonne,

Quand je dis qu'il me faut une secrétaire, il pense que je pète les plombs. Mandat d'ici, s'il marchait seul, suffit à ce que pète le son. Entre les studios, la promo, gérer les dates de concert, mon public se sent à l'étroit, comme dans une boîte de conserve. Si ça venait à être le cas, c'est que j'aurais rempli des salles. Et dans mes rêves les plus fous, je me suis vu remplir des stades. Les sacrifices qui ne sont pas compris d'autrui. On assume nos sacs, mais très souvent on en fait le prix. Car c'est l'indépendance, la mélodie de l'indépendance. Indépendant, est-ce aussi bon temps d'être indépendant? Est-ce aussi bon temps d'être indépendant? La mélodie de l'indépendance. Tout prendre en compte, le talent, le piston, l'entourage, le budget, les jaloux, les bidons, hein. Avoir un plan d'attaque et surtout avoir un plan de défense. Hey, la route est longue, tu ne tiendras pas sans faire le plein d'essence. Est-ce que les radios vont jouer le jeu? Ah ouais, je dois payer des spots. Mais l'auditeur lui n'entend rien malgré ses oreilles de spock. Surfer entre la vie de tous les jours et cette vie factice. Je me saigne à payer clip ou mix, ça me laisse des cicatrices. Putain, ce que je vivais mieux avant de me mettre dans ce rap jeu. En plus de ma collection de pompes, là je collectionne les rageux. On crée des liens sacrés entre artistes et ingé son. Tu veux me signer? Jamais sans Renault, mon ingé son. ISF, le mur du son, on ne risque pas de couler. On s'est fait seul, on mourra seul, tu peux reprendre ta bouée. Je m'occupe de l'impression des t-shirts, de la distribution, de la cover, du tourneur et de la diffusion. Des clips sur telle ou telle chaîne, tel ou tel site. Un grain suicidaire, je n'y prends pas plaisir, rien ne m'excite. N'en déplaise à mon chibre, si sur la table j'ai posé mes bourses. N'en déplaise à vos beats, si chez Brahms je fais mes courses. Les sacrifices qui ne sont pas compris d'autrui. On assume nos sacs, mais très souvent on en paie le prix. Car c'est l'indépendance, la mélodie de l'indépendance. Indépendant, mais est-ce aussi bon temps d'être indépendant? Est-ce aussi bon temps d'être indépendant? La mélodie de l'indépendance. De l'indépendance. La mélodie de l'indépendance. Un big up à tous les artistes indépendants. Ils se reconnaîtront. On doit surfer entre les vendeurs de rêves, les producteurs à la noix de cajou, les managers à la noix de pécan. La mélodie de l'indépendance. Indépendant. On en est fier, mais est-ce aussi pendant? La mélodie de l'indépendance. C'est la Nocturne avec Black Brut au contrôle de la Nocturne, 100% rap français à l'instant. Et ce morceau donc, la mélodie de l'indépendance, le dur parcours justement, artiste rap. Ouais, ouais. Et de sortir ses projets. Exactement, on est en plein aller dedans. Aller au fourneau. Le dur parcours, excuse-moi, mais en même temps c'est plaisant aussi. Enfin, tu vois, c'est de faire un truc que tu kiffes. Mais c'est pas facile. Et je pense que ce morceau doit parler à tous les artistes indépendants, que ce soit le rap ou aussi autre style musical. Hein. C'est un dur chemin, mais quand on croit en ce qu'on fait, je pense qu'on y arrive. Mmh. Et donc, puis c'est bien en plus, en même temps, voilà, t'attends personne, t'avances quoi, tu continues. Ouais, bah écoute, si t'attends les gens, tu vas pas bien loin aujourd'hui, tu vois. Donc je pense qu'on est mieux servi par soi-même. T'as des concerts d'ailleurs, des choses annoncées, ou alors on peut te suivre sur les réseaux sociaux, ouais, pour avoir toutes les infos. Bah écoute, j'ai un Twitter @brutblack, Facebook blackbrut, Instagram @brutblack aussi, Black. Je crois, je sais même plus. De toute façon, c'est blackbrut ou brutblack. Bon, en même temps, vous tapez sur un moteur de recherche, vous tombez dessus. Voilà, et voilà, on peut suivre toute mon actualité. Il y a des petites scènes qui se mettent en place. J'étais en concert là la semaine dernière, un gros concert vers chez moi. Et il y a, ouais, vous pouvez suivre toute mon actualité. N'oubliez pas, surtout, il y a le clip Zorro qui est en ligne depuis cet après-midi. Depuis quelques heures, ouais. Voilà, donc cliquez, partagez-moi cette merde. Allez, on est parti pour conclure cette première heure de Nocturne avec toi, avec du live. Écoute, on va faire un gros live. Le morceau, la danse de la rafale, qui est extrait de mon prochain projet dont je n'ai pas encore de date parce qu'il est encore dans le four. Donc on va essayer d'envoyer ça en live pour les auditeurs de Skyrock. Allez, c'est nocturne. Parti pour la Nocturne, oui. Brute. Quand je rappe, tu sais le soleil. Quand tu rappes, tu sais le lampadaire. On n'a pas le même niveau, mais ils me veulent quand même en fit, ils ne manquent pas d'air. Je ne me mélange pas à vos diarrhées. Fallait pas m'inviter, bande de tarés. Je viens d'une autre planète, caractère est ronde, moi j'ai l'habitude de faire les choses carrées. La danse de la rafale, nouvel hymne de la racaille, ouais. La danse de la rafale chante le nouvel hymne de la racaille. La danse de la rafale, nouvel hymne de la racaille. La danse de la rafale chante le nouvel hymne de la racaille. On connaît vos fils, vous ne vivez pas ce que vous racontez, vous relatez. Pour faire des feats avec vos têtes d'affiche, vous êtes obligés de raquer. Ils vendraient leur mère pour qu'on diffuse leur clip rempli d'armes sur Bouscapé. Mais quand ça parle d'un contre un, de pieds poignants, plus personne pour se taper. Ils ont tout vu, ils ont tout fait. Ils ont tiré, mais ils n'ont jamais touché. T'inquiète pas, la selle, c'est une fille bien. Elle a sucé, mais elle n'a jamais couché. Au passage, poupée, poupée, tu m'as fait un sale coup à la Nadal. Je te pensais vierge, mais j'ai appris que tu ne pratiquais que l'anal. Quand je rappe, tu sais le soleil. Quand tu rappes, tu sais le lampadaire. On n'a pas le même niveau, mais ils me veulent quand même en fit, ils ne manquent pas d'air. Je ne me mélange pas à vos diarrhées. Fallait pas m'inviter, bande de tarés. Je viens d'une autre planète, car la tienne est ronde. Moi j'ai l'habitude de faire les choses carrées. La danse de la rafale, nouvel hymne de la racaille, ouais. La danse de la rafale chante le nouvel hymne de la racaille. La danse de la rafale, nouvel hymne de la racaille. La danse de la rafale chante le nouvel hymne de la racaille. Je change de flow comme je change de slip. Je ne suis pas un rappeur crasseux. Les concurrents se sont tous noyés. Heureusement qu'à l'école j'ai nagé la brasse. Ils seraient prêts à sucer plein de zizi poilus sur le top 10. Dis pas pour percer, tu t'es mis à quatre pattes pour te faire péter le coccyx. Je crois que je vais passer mon diplôme de professeur pour vous apprendre à poser. Le prochain qui ne rappe pas dans les temps, je lui allume sa mère, on a de quoi t'arroser. Il serait prêt à sucer plein de zizi poilus pour entrer dans le top 10. La rumeur dit que pour percer, tu t'es mis à quatre pattes pour te faire péter le coccyx. Quand je rappe, tu sais le soleil. Quand tu rappes, tu sais le lampadaire. On n'a pas le même niveau, mais ils me veulent quand même en fit, ils ne manquent pas d'air. Je ne me mélange pas à vos diarrhées. Fallait pas m'inviter, bande de tarés. Je viens d'une autre planète, car la tienne est ronde. Moi j'ai l'habitude de faire les choses carrées. La danse de la rafale, nouvel hymne de la racaille. La danse de la rafale chante le nouvel hymne de la racaille. La danse de la rafale, nouvel hymne de la racaille. La danse de la rafale chante le nouvel hymne de la racaille. Ton instru je l'ai giflé, coup droit, revers, matin à la canta. La détonation provenant du 91, c'est moi, ce n'était pas un attentat. A 86, je fais crier la boîte 6, direction Rony. Là-bas, j'ai mon petit frère, Viva, Riva, tu le touches et je t'encule, je te l'ai promis. On danse le Ndombolo, aussi la danse de la rafale. DJ Hamdi est au platine, non, ce n'est pas DJ Arafat. Une putain de cache des deux petits frères qui lèvent leur bécan en I. Je proviens tout pour une dette de 1000 E. C'est séquestration garantie. La danse de la rafale, nouvel hymne de la racaille. La danse de la rafale chante le nouvel hymne de la racaille. La danse de la rafale, nouvel hymne de la racaille. La danse de la rafale chante le nouvel hymne de la racaille. La danse de la rafale, gauche, droite. La danse de la rafale, bina, bina. La danse de la rafale, oui, oui. La danse de la rafale, bina, bina. La danse de la rafale, Skyrock danse. La danse de la rafale, Nocturne danse. La danse de la rafale, Corbeil danse. La danse de la rafale, brrr. La danse de la rafale, gauche, droite. Danse de la rafale, bina, bina. La danse de la rafale, Skyrock danse. La danse de la rafale, oui. La danse de la rafale, oui. La danse de la rafale, oui. La danse de la rafale, bina, bina. La danse de la rafale. Black Brut, YSF. Faites du bruit dans les locaux de Skyrock, s'il vous plaît. Okay. Merci Fred. La danse de la rafale. C'est la nocturne avec Black Brut, donc ça c'est un titre inédit. Hein. Ça c'est inédit, la danse de la rafale. On va le repasser tout à l'heure en fin d'émission. C'est un inédit, c'est un extrait de mon prochain projet, comme je te disais tout à l'heure. Et voilà, le morceau parle de lui-même. Hein. On danse et on se rafale en même temps. Voilà. On repart en live. On repart en live, freestyle. Alors aujourd'hui, il y a du beau monde. On va laisser la place un peu. T'as vu, j'ai trop parlé. Il y a Elinas, il y a Espion, il y a Loni, il y a Espy, il y a Lefty. Allez, on va laisser le micro un peu aux autres. Yeah. Nocturne. Spécial Black Brut. Allez, pécho son projet ISF, il est toujours en dispo. SP, Jester and Gentleman qui arrive très très bientôt, 2015. Pour tous les t-shirts, faut aller péter ça sur gestlife.com. Ok. Bien bon. Bien bon. Yeah, bien bon. Ice. Oh, bien bon. Ok, bien bon. Ok, bien bon. Yeah. Nyeh. Ça fait des années que j'ai ma place. Ça fait des années que tu vois le blast. On demande pas, on prend ta part. On se mélange pas, on fait bande à part. Un 6 bloc, pas de vantard. Starting block, si l'affaire est rentable, j'arrive à grands pas, faudrait qu'on en parle. Dans leur fouille, j'ai vu des éventails. Ice, limite, jamais, limite, jamais, fini, jamais, timide. Fallait pas négliger, j't'allume comme en Syrie. B2O, c'est pas bien. Tu les as tous mis au uncut, au tatouage, à la muscule. Mais disons que le swag a si vert que le rap en cinglé, ils voient la vie en 5D. Que des poucaves, moi j'taffe en indé pour finir blindé à la Franck Lucas. Dis-moi c'est où le casse. Ils se voient la face. Ils se voient la face. Mais ils se où j'passe. Me compare pas, j'suis un bonhomme. Avant d'être un artiste, à peine mon premier album, j'vis déjà comme une tête d'affiche. Faut que ce rap game il m'a saoulé. Dans la rue, je vais le rouler. Ils sont tous là pour toi, mais tu seras tout seul quand tu vas couler. T'es un ancien, j'ai du respect, mais crois pas que tu peux marcher dessus. T'as fait des thunes dans les années 2000, aujourd'hui c'est moi qui te casse le cul. Gardez vos féfés en langue. Moi je suis un dingue. Torse nu, chaîne en or sur un éléphant plein milieu de la jungle. Je veux les dollars, je traîne un passé de voyous de dollars. J'arrive plus déter que le Mola Omar. Toujours bouillant à croire que je vis dans un sauna. Contrôlé plus au test antidopage. Perso j'attends plus qu'il fasse de faux pas. Je les zéro d'ab, je suis dans l'angle mort avec un flow qui vaut plus qu'une montre chopard. Ne joue pas les héros, tu peux m'appeler Bruce Wayne avec un sombrero. S to the P, je suis dans une matrice. Arrogance 3.0. Mets le game sur pause. Regarde les rampés, suce-moi sans les dents comme si Mike Tyson t'avait pété le dentier. Aïe. Faites du bruit, la famille, y'a du monde ou pas la estigola. Aïe aïe aïe. Brutinho. Ok, il est nas. Hein, ok. T'es une grosse merde, je joue pas le gangster. T'es une grosse merde, je joue pas le gangster. T'es une grosse merde, je joue pas le gangster. Yeah. LF, tu dans les parages. Un 6 bloc, y'a du monde ou quoi ici? Black Brute, on est là. Yeah, tu peux leur dire d'aller se faire enculer. Venu derrière, ici j'ai du mal à m'habituer. Dis-moi dans laquelle des rues tu traînes, je te dirai dans laquelle tu te feras tuer. LF, tu dans les parages. T'as pas compris, rêve, faut que tu t'arraches. Car toi de la web, on déboira. Même ceux qui t'apprécient, va te niquer ta race. Fais de la musique, comme à l'usine. Mais dis-moi qui tente de rivaliser. L'aime se produit, c'est usine de l'éveil. Est-ce qu'on porte chez eux comme au musée? Passe-moi le mic et je te montre comment faire. Je te sens perdu comme mes ennemis. Arrête le rap et va faire du yoga. Ça fera de l'air et des économies. Passe-moi le mic et je te montre comment faire. Je te baise et des économies. Passe-moi le mic et je te montre comment faire. Ça fera de l'air et des économies. LFG, assist Black Prod. Ok, Black Brut dans la place. On est là, on va. Yeah, YSF. Ok. Des gangs, CBL, Black Brut, ouais. De retour dans le game, j'ai fait un massacre. Y'a que tes sauces qui bouffent tes salades. Mets pas tes pieds dans mes choses, cousin, t'es pas taille. Tout ce qui jacque mérite une rafale. J'ai le dodo dur, je suis optimiste, bref. Que fasse qui passe ça, on revient d'Espagne. Escale, Bicraf, Kakaï, Igo. On sait qu'ils font les choses qui sont les pédales. J'suis dans le Cosmos City et Yoda. Si mes gavats sortent, simulent un coma. Les frelots, heps, on manque de taga. Ta première série, ta tasse, pétaga. Sont les feux qu'on les baisse, personne pas ma place. Pas besoin de connaître ton bled pour te niquer ta race. Balance, traite, haine, faible. L'IGD est indétrônable. Tous les soirs, je squatte le maquis. J'en dis ceux qui esquivent le haram. La pitié ne sera pas acquise. Bras costume pour finir au madame. Igo, pour finir au madame. Bras costume pour finir au madame. J'ai donné ma confiance à des lâches. c'est pour ça que je pars en drive back. Y'a plus de sentiments, l'amitié ça blesse. Quand la peur recule, y'a la haine qui progresse. Corbeil c'est ma ville, tu fais que du blé. Mets pas tes pieds dans ma tête. Ça c'est pour mes blacks et mes bears. Pour mes blacks, tout end à killer. Nous on défie l'état, au-dessus des lois. Personne crache sur nos valeurs. Ego. Ok, j'aime. Ok, il est nas. Ah, j'ai mangé des gauches droites et des coups de matraque. Je monte jamais sur scène sans voir le track. Je sens que c'est la bonne, je vais faire un massacre. J'ai consommé de la drogue, j'aimerais que de la frappe. J'ai consommé de la drogue, j'aimerais que de la frappe. De la drogue, j'aimerais que de la frappe. De la drogue, j'aimerais que de la frappe. J'ai consommé de la drogue, j'aimerais que de la frappe. Quand je rappe, c'est le danger, t'as pas à t'en faire. Mets pas ton nez dans mes affaires. Faire l'étonner, à quoi ça sert à chaque fois que je veux me ranger, y'a un bif à faire. Dans mon cerveau, ça va pas, c'est pas de la guerre. Va le répéter à mes adversaires. Manque de respect, je te nique ta mère, ta soeur, ta meuf et celle de ton grand frère. J'ai des tonnes de pasto dans le sac. Des tonnes de fast flow en rap. F430, c'est la fifi, on te nique ta mère, t'es pas mon strap. Quoi qu'il se passe, t'avales super vite, car c'est chaud pour toi si jamais je t'attrape. C'est moi le meilleur, si tu veux ma place, attends que je clame si j'arrête de rap. Ok, la brute. Aïe aïe aïe, il est nas. Ouais ouais ouais. VIP de l'IGD. Igo, avec qui Gazou. Igo. Avec une gaz, une graine, une feuille, tu peux toucher le ciel. Si le Red Bull le donne des ailes, le pilon laisse des gros séquelles. La kippa Ardena ou peu, fait rougir les yeux, fait même sourire les plus nerveux. Adouci les ego dangereux, tu roules, tu pètes puis c'est P2. Puis recommence ton geste jusqu'à que tout le monde est à chaise. Ça comme une petite envie de nerf. Soir je change de paysage. Burette black et métissage font partie de mon équipage. Font partie de mon équipage. Ce soir c'est piscine de vodka. Nombreux se jettent, prends d'un toit. Mais IBLI2SA de Jupiter se jettera. Vini VIP F430 motherfuck. Vini VIP F430 motherfuck. Igor. C'était la Nocturne 100% rap français, session freestyle à l'instant avec Black Brut et ses invités dans la Nocturne de Skyrock. Merci yes. Black Brut pour cette Nocturne, pour okay. Ce début de Nocturne. Bah, merci à toi Fred, merci de m'avoir. Et on va saluer tous ceux qui étaient là aussi au micro. Donc ouais, il y avait du monde, c'est Corbeil. Alors attends, ils vont se présenter parce allez-y que... les gars, petit tour de table pour ceux qui ne sont pas présentés. Espion. Ouais, moi c'est Espion, j'ai des gangs. Corbeil, les Tarterets. On est là, voilà, yes. Avec Black Brut, on est venu représenter. VIP, j'ai des gangs aussi, Tarteret, au calme, toujours la même. Bon, il y a eu Espy. Hein, Espy qui était là aussi pour ouvrir ce freestyle. Vas-y, on va le laisser parler un peu. Merci en tout cas à vous tous, merci Espy. Yes, merci à Brut pour l'invitation, merci à toi pour l'accueil. Voilà, blogprod.fr pour tous ceux qui veulent des infos sur Espy et le staff Francis Blogprod. Et encore, allez pécho, le projet du frère Black Brut, ISF, toujours dispo sur iTunes. Yes, merci. Dans les bacs, je crois. Merci à vous tous. Sans forcer, Black Brut, ouais, ouais. Merci à toi. Impressionnant sans forcer, allez suivre sur les réseaux sociaux et pour continuer cette Nocturne, on repart avec le morceau. Alors on va remettre l'exclu que j'ai envoyé tout à l'heure, Valérie, ouais. D'Amigos. Ah, très voilà, bien. L'exclu, donc on renvoie ça et encore un grand merci à toi Fred. Eh ben merci à vous tous, Valérie D'Amigos, exclu. Impressionnant sans forcer, Black Brutinho. 430 rap français, planète rap. La Nocturne. Allez, la Nocturne qui continue encore pendant quelques minutes. Le son de Black Brut et puis juste derrière, Bacar, nouveau titre de Bacar à découvrir dans la Nocturne 100% rap français. Et puis encore plein d'autres personnes à vous présenter. Il y aura JP aussi, ex-Les du 9 à écouter.

pas l'essence qui fait le feu, mais celui qui craque l'allumette. C'est pas le talent qui fait le succès, mais celui qui fera la sucette. Tu fais du rap de pucelle, apprends à mettre tes chaussettes. C'est pas le corps qui fait la femme, ni le boule qui fait la levrette. J'ai le message qui démange, tout ce qui craque n'est pas barbu. C'est pas l'odeur qui fait la merde, mais celui qui t'a chié dessus. Où sont les MC, j'entends plus leur histoire que leur talent. Le buzz est comme la paix, soit tu craches vite, soit tu dures dans le temps. C'est bien connu, ceux qui se taisent en disent plus que ceux qui parlent trop. La vérité s'écoute, elle ne se discute. Ah, où sont les pilotes de la plume, les lyrices, ils sont où? Et pour tout ça, c'est de la chape, les vrais MC, mais ils sont où? Les albums magiques, les gros classiques, mais ils sont où? Je vois que des acteurs, peu de lyrices, j'en vois partout. J'acteur, me domaine, album au top, mais ils sont où? Tout dans leur peuple, rien dans leur top, mais ils sont où? Dites-moi, dites-moi, ils sont où? Je ne vois rien, ils sont où? Dites-moi, dites-moi, ils sont où? Ra, 100% rap français. 100% explicite lyrics. La note. Un garçon qui s'appelle KLS, qui nous vient du 18e, Vida Loca. À découvrir maintenant dans la nocturne. KLS, 100% rap français sur Skyrock. L'équipe est silencieuse, c'est les balles qui parlent. Les aléas de la vie, mon grand-père qui part. Trop de conneries, j'ai fait pleurer mes remparts. J'ai fait le mur, j'ai sauté les remparts. Ratatatata, où sont tes potes? Toute la mala en équipe sort des photos. Tu te retrouves seul, tu te dis que t'es foutu. La balle d'arrivée vient pas d'une balle de foot. J'suis de plus en plus chaud et de plus en plus tard. J'ai traîné dans la street, j'entrais de plus en plus tard. Le daron me dit t'iras en prison plus tard. Je remets soucis et j'enchaîne les fêtards. J'ai constaté que la vie n'est pas rose. On vitra du pilon, y'a les gueules qui baraudent. Suce-moi, suce-moi, ouais j'ai le baron. Les MC, je vais tous vous tarot. Ouais. Que des ondes de taille, bim cap, bim bing, êtes-vous pareil? Ouais, êtes-vous pareil? Je vais tout dire, je vais tout déclarer. Prends changer les barbales dans nos rues, ça rétine. Vive dans les yeux, j'ai crevé ta rétine. Je vais craquer tous les MC, souhaite-moi bon appétit. Ouais, souhaite-moi bon appétit. La camille dans le long corps, c'est sur le point d'où je monte. Moi je la vis d'un long corps, parce que plein et il y a l'encre. La camille dans le long corps, c'est sur le point d'où je monte. Moi je la vis d'un long corps, parce que plein et il y a l'encre. Ceux qui me suivent la bite sont ceux qui parlent le plus sur moi. Tu sais bien où blague pas la bite. Je connais les méchants et les plus sournois. Un pisset dans la street, on t'a arnaqué. Les héros inutiles sont les plus baraqués. Manque de respect, toi tu parles à qui? Coupe ta langue de pute et prépare tes béquilles. Y'a des gens généreux comme qui m'ont minté. Là je ne fais pas le flow, tu peux pas m'imiter. Wesh mon poteau, y'a quoi t'es perdu? Le temps c'est pas les choses, la tristesse qui perdure. Comme le shit ou la beuf, tu vas te faire buter. Qu'est-ce qui s'est passé, ramène le butin. Je reçois des pics de partout comme une paire de le boutin. Continue de jacter, bande de putain. Les plus grandes salopes sont les plus costauds. Je t'ai enfermé dans le rap game et t'es devenu claustro. Y'a pas que des vrais mais les cas des photos. Le temps et les souvenirs cachés dans des photos. Wesh les gars, dites c'est quoi les bails? Quand c'est le plan, pas le compromis. Wesh les gars, dites c'est quoi les bails? Percé dans le rap, je me suis promis. La camille dans le long corps, tu seras le pas dans le long. Moi je veux la vie d'un long corps, t'as fait plein et rien long corps. La camille dans le long corps, tu seras le pas dans le long. Moi je veux la vie d'un long corps, t'as fait plein et rien long corps. Ok, Kailes, le Black Boy, c'est ce Planète Rap, 100% Explicit Lyrics. JP, ex-laisse du neuf dans la nocturne, 100% rap français. La rue c'est nous, c'est maintenant. La rue c'est nous, l'ambiance chez nous, ça parle en euros. On veut des sous et on veut tout, ça doit les héros. La rue c'est nous, la rue c'est nous. La rue c'est nous, la rue c'est nous. Dans ma zone, ça avec des sous, ça t'arrache le bras pour un petit trou. Mais qu'on dé sois mes trousses, dis-toi MC que je les baisse tous. Ils me veulent enfermer, coffre l'hiver, je ne passe l'été. 92, gros détail, dans mon équipe que des guerriers massages. La rue, c'est ma poise, elle me donne à manger. Méga prof que des punchlines, j'ai un flot de taré. Dans les subs, c'est la hesse, que des vaillants dans ma pièce. Zalogie ou Nike Air, vend des kilos de cesse. tu cours toujours ma punition à neuf coups. Sans trop en faire, moi je te trouve, arrête de jouer les sous. La rue c'est nous. T'as vu, on vient d'où. La haine qui nous anime, la police nous contamine. Tous dans nos combines, 92, oui t'hallucines. J'ai grandi dans le crime, j'attends mon heure ultime. J'ai grandi dans le crime, tu là, j'attends mon heure ultime. La rue, c'est nous, l'ambiance, chez nous, ça parle en euros. On veut des sous et on veut tout, ça jouer les héros. La rue, c'est nous, la rue, c'est nous. La rue, c'est nous, la rue, c'est nous. Notre avenir, on va construire maintenant, crois-moi qu'on a grandi. Le passé nous fait mûrir, plus temps de jouer les bandits. Dans toutes les thèses, viendrai représenter Nanterre-Cité Rose. J'ai la maîtrise, c'est comme ça qu'on s'adapte, comme ça qu'on fait les choses. Coco, fast team, passe à l'attaque. 9 de haute scène, on a la niaque. Contact, conseil, business, affaires. Pour faire monter le chiffre d'affaires. Ça travaille, à pas de on maîtrise. Ça charbonne, le terrain on aiguise. La misère mise à bercer, on a compris. On a compris, poteau, la rue c'est nous. La rue c'est nous, l'ambiance chez nous. Ça parle en euros. On veut des sous, et on veut tout. Ça jouait les héros. La rue c'est nous. La rue, c'est nous. La rue, c'est nous. La rue, c'est nous. La rue, c'est nous. L'ambiance, c'est nous. Ça parle en euros. On veut des sous et on veut tout. Ça doit les héros. La rue, c'est nous. La rue, c'est nous. La rue, c'est nous. La rue, c'est nous. 100% rap français. 100% explicit lyrics. Le remix de Alonso par Six, ex Siku MC, dans la nocturne de 100% rap français. On est détaillé comme une armoire, on s'en bat les reins. On a l'habitude de déplacer des meubles avec nos mains. La musique de Dark Vador, pas besoin, sans faire de cinéma. Mon équipe repart avec les joints. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire devant mes bad boys. Gospo, entouré de carto. Raffiné de la tête aux pieds. Recto, verso, grande classe, ghetto. Pas besoin de starco. Toujours plus compté, même assise dans un Clio. Je rappe fort et puis je suis bien habillé. J'ai plus qu'à choisir, elles sont toutes alignées. Pour un feat, ton mec pourrait vendre ton dos. Je l'ai vu au bar avec sa pauvre conso. Ils ont leur sécu, j'ai le respect. En compagnie de la rue sans faire exprès. T'es en galère de ça, fais la princesse. Tu peux pas nous toiser même si ton mec est taillé comme une armoire. On s'en bat les reins. On a l'habitude de déplacer des meubles avec nos mains. La musique de Dark Vador, pas besoin, sans faire de cinéma. Mon équipe repart avec les joints. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Ok, tes Jordan sont fausses, tes Gladys sont grosses. Fais pas la resta, personne te rattrape si tu te jettes dans la fosse. Y'a du feu dans le reflet de mes lunettes de soleil. Quand ce petit bâtard poustillonne dans mes oreilles. Tu veux une clope? J'fume pas. Renverse ton verre en cachette si t'assumes pas. Gratteuse de merde, vas-y, serre-toi des glaçons. Mais vite parce que tu sens grave la transpiration. T'attends d'être bourré pour venir me parler. Quoi? L'alcool est monté, tu crois que t'es taré. Je vais te dire un truc pour foutre en l'air ta soirée. Pareil t'es gay que ton mec est taillé comme une armoire. On s'en bat les reins. On a l'habitude de déplacer des meubles avec nos mains. La musique de Dark Vador, pas besoin, sans faire de cinéma. Mon équipe repart avec les joints. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Parmi vous, la seule forêt est avec nous. Si t'es jaloux, y'a rien à faire.

pas ici, y'a pas des AV. 92, 93, un mot de fusion, Fumbo, la matouille. La journée, on est des MC et la nuit, on se transforme en Doki. U2SY, Côte Seine, c'est le drapeau que je vais ici. La jeunesse pense à la vendetta à chaque fois que vous venez ici. Je suis un rageur depuis tout petit, mes anciens m'ont bien dirigé. Rien que ça remix, c'est plus des MC, n'y a pas c'est des DJ. J'gagne ta meuf comme un bâtard afin que la mienne soit pas épuisée. La force de l'Afrique coule dans mes veines, pas besoin de pousser, n'y a pas. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Qu'elle attrape pour les sauver. Faire de la trappe, il faut se sauver. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Faire de la trappe, il faut se sauver. J'ai déjà mon plan B. Tu connais déjà. Et encore sur ton plan Q. Quand tu croches Chaga, j'éclate tous ces chers comme des boutons de paix. Bah ouais, ça pue. C'est quoi ce rap, Berg? C'est quoi ce rap de merde qui les incite à prendre le microphone et jouer les gangsters? Merde, merde. J'mets ma bite à couper, ils vont pas curer, c'est des grosses merdes. J'ai la même dame, mais pas le même délire que mes confrères. Tu connais des chats. Jure sur la vie de ta mère qu'elle meurt, elle nous a fait rainer. J'promets la réussite à ma mère, j'décide d'en panique. Non, ne pleure pas, non, ton fils fonce, ne retourne pas. J'les attends en tournant, j'ai capté le mouvement, gros, y battez les matons, les gars. Fuck, tous ces jaloux. Enfin, tu t'es défaite. Ils refusent les fits, c'est des bites. Et même ça, que tu nous froisses sur tous les thèmes. Je baffe ces cons, vas-y, cachez-les. Je rappe la force de mes HLM. TIN, Cosi, du sale. Dans vos oreilles. Ta fin de Boeing. C'est la fin du rêve. Ouvrez les yeux. Cosicino, Nyama. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Faire de la trappe, il faut se sauver. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Heureusement qu'elle attrape pour les sauver. Faire de la trappe, il faut se sauver. Sinon ça dit quoi depuis mon rap? Hey Onik, mon rap n'est pas dans voici, mais voici mon rap. Voici mon rap, il vient et repart en speed. Quand il veut, même quand on en demande 40 000. C'est le son, ça vient et ça empile. Ça marche la tête haute, ça rampe, ça empile et ça empire. Yeah. C'est Paname Terrasse, Banana Split, Kaira en kit, je suis pas tranquille avec mon move depuis que ça rame. En kit, tout qu'est fortune, mes démons ne sautent toujours pas l'axis, merde. Et les services d'objets trouvés sont pleins de claques qui se perdent. Bam, j'ai qu'à bam, bam, chaque a dit ta peur. Son site ardent, clip, dit avant, discount, shit à verre. Fini, mort cliniquement. L'état demande à Heisenberg de me castrer chimiquement. Depuis que je suis absent, c'est dans mon dos que les couteaux se pressent. J'arrive avec le soum soum de Rastapopoulos, mec. Je bois au goulot sec, que pas ça coule nos stress. Je vous vois tous arriver, vous êtes à poil comme dans les vestiaires d'Undo Stress. Salam, salut, ciao, on parle pas du drame. Si je tue le son et qu'ils s'en foutent, je suis que le gamme chat du rap. Phuket, en damage 7, toutes les putains me confondent. Prenez-moi pour un con, mais moi je sais que 1 plus 1 font 11. Ah, c'est encore l'été, l'éclatement, merde. Humeur, postre, calage, contusion, plaie, bosse, confusion, conclusion, deux cadavres, plante mieux ta lame. Pourquoi les faces de ma mixtape se retrouvent-elles dans l'album de ta life? Trop de palabres face à trop de calage. Pourré au coca light, j'passe du coq à l'âne. J'suis un ange en fusion, Satan à l'autre potala. Mal de tête me carabine. Tu crois que les maisons de ce que comprennent peut-être ce que j'baragouine? Rien à foutre, on te baise, rien à foutre de ton compte père. Ce qu'on veut savoir, c'est si on t'ouvre la gorge, est-ce qu'il en sort des bonbons pèse. Me mettre dans leur tube, elles me font ce que je fais aux meufs quand j'arrive pas à me mettre dans leur tête. J'essaie de me mettre dans leur cul. Autiste, j'évite tous les pièges dans leur cul. Le plus fort, tu je le sais que je suis le best. Dieu le paie, Dieu le paie. Ils vont faire des pubs dans les pubs de leur pub pour faire oublier que Dixon. Pas des étoiles qui naissent. Comme toi à peur, je manque du MS 13. Mais je ne bosse que depuis ma Kinect. Connard sans finesse. Pour un rien qui se sent supérieur en feuilletant un Guinness. Le maillon qui sépare l'homme de l'animal. Face à une tonne d'MC à langue percée qu'il m'animale. Déprimé quand j'ai le pénis au sec. Je mate des clips de rap à la lunette 3D. Parce que ça reste plein comme un déni de grossesse. Toujours en rogne contre ces sales bonnes femmes. C'est tas de faux man, en rogne parce que j'ai pas de bol man. Moi, je remets en place, colmat, prenez-moi pour un con. Et moi je sais que le boss de l'assassin s'appelle Goldman. Ils me veulent seul, j'arrive en soum soum. Pareil que je n'ai que la gueule. Restez sourd sourd, mais je sais que Dieu le veut. JCVD, new JCVD. Bam, chica, bam, bam. Ils me veulent seul. J'arrive en soum soum. Pareil que je n'ai que la gueule. Restez sourd sourd, mais je sais que Dieu le veut. JCVD, new JCVD. Ils me veulent seul. Pareil que je n'ai que la gueule. Il y aura des tentations, parce que quand tu es loin des parents, et de la famille, et du sol, et tu fais confiance à des gens, à des producteurs qui disent je vais te protéger, je vais faire attention à toi, je vais te vraiment te donner du cœur, on va faire de l'argent ensemble, Et t'es jeune, alors tu viens avec ton talent de karatéka, tu vas faire un sportif. T'as pas encore la tête du businessman, du tueur. Nocturne 100% rap français avec le nouveau son de Dixon. JCVD à l'instant dans la Nocturne. 100% rap français. Planète. La Nocturne. Nouveauté La Nocturne, son projet sort le 27 octobre. Il vient du 9-5. Bratso. Dédicace à Ali, buzz de fou aussi. Bratso à découvrir maintenant. J'ouvre le bal. Encore un trop. Tu prends un relais, c'est une boîte plus derrière micro, frérot. Entre le rap et la réalité, pour tes oreilles en manque de vérité. Bratso, my name. Je sais que l'horreur est humaine. Sourire et problème, coupable honoré de la vie que je mène. Je ne pourrais en vouloir qu'à moi-même. Dans mon son, aucune délégation. Toujours le respect, mais impossible que je puisse recevoir la morale des rappeurs de la nouvelle génération. Fallait bien qu'il y en ait qui sortent du lot. Versé par du gros son, je me donne dans l'air sans poser de questions. Prisonnier de ma cabine, mes caissons. Je me sens plus sécurisé solo. Tout que j'ai pu t'écraser. Jeune, sans limite opposé, suis-je obligé de pêcher pour brasser. Je me sens comme un criminel libéré. Juste le son pour m'opérer. Entre le rap, la tête, c'était serré. Un lit m'a ramassé comme un péré. Je plante ma feuille, je pique ton cœur. J'ai une mauvaise mine aiguisée. La voix qui peur la diviser. Toutes ces grandeurs minimisées. Dis à ton rappeur préféré de faire un best-of et de me laisser ou de faire croquer ce qu'il mérite, pas s'enterrer sans rien laisser. Dis à ton rappeur préféré de faire un best-of et de nous laisser ou de faire croquer ce qu'il mérite, pas s'enterrer sans rien laisser. PPR, ATS, on dans la caisse. Comme un keuf, c'est le son qui t'agresse. Plus social que la crise ou la caisse. Plus commercial que le grossiste de la caisse. PR, ATS, on dans la caisse. Comme un keuf, c'est le son qui t'agresse. Plus social que la crise ou la caisse. Plus commercial que le grossiste de la caisse. Oui, je sais que l'horreur est humaine. L'horreur est humaine. Sourire et problème. Coupable, honoré de la vie que je mène. Je ne pourrais en vouloir qu'à moi-même. Dans mon son, aucune délégation. Aucune délégation. Toujours le respect, mais impossible que je puisse recevoir la morale d'un rappeur de la nouvelle génération. Ah! C'est pour tous ceux qui ont pu me pousser vers le haut. Trixma, le DRJ, Fayasta, Lédic, The Punisher, Rise. Pour mon équipe qui se tue pour moi, Lino, Djerna et mon manager Ali. Pour mes vrais gars et mes grands frères qui poussent mes ambitions et suivent ma direction. Nene, Malo, GG, DGO, Will, Jano, Boss, Vingay,